Mais c'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais 16 ans. Fait que c'était la deuxième ou la troisième chanson que j'ai écrite. Puis elle a roulé pas mal, hein? On l'a chanté souvent. Puis on a vu beaucoup de changements au Québec avec cette chanson-là. Ça a laissé des traces. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai l'impression que quand je la chante, ça a pu. Ça a encore la signification. Oui, on l'a. Signifiant? Non. Ça a encore une signification. C'est ça, je suis pas réveillée. Ça a encore une signification. Mais je sais que pour bien les jeunes, ça ne veut peut-être pas dire la même chose autant que ça disait pour moi quand j'étais jeune, parce qu'il y a bien des affaires à cette chanson-là qu'on ne voit plus nulle part. Fait que c'est du vrai folklore, OK? 74. Oui, c'est ça. Je pense pas qu'il est au monde. Non. Tu vas grandir avec un petit Jésus de plâtre et un Dieu mort sur un crucifix. Son portrait pendait au-dessus de l'âtre, mais dans ces objets, il n'y avait pas de vie. Peux-tu te retourner vers un petit Jésus de plâtre? Le petit Jésus de plâtre, hey, ça me remonte le 23 novembre, donc dans deux jours, c'est ça, on est le 21? 23 novembre, je vais fêter mon 37e anniversaire de foi. J'ai donné ma vie, j'ai eu une rencontre avec Dieu, un 23 novembre 1973. J'avais 15 ans. Je m'en revenais de l'école. J'étais dans l'autobus en revenant de l'école. Au coin de Beaubien, juste après des Lormiers, le stop après. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Puis je vais toujours m'en rappeler. C'est tombé plate, je braille à chaque fois. J'ai demandé à Dieu s'il existait. Puis j'ai demandé, c'est-tu vrai ton affaire de Jésus, là, qui me parle à l'école? Parce qu'à mon école, il y avait des Jesus freaks. des Jesus people, puis tout le monde les persécutait. Puis moi, j'étais athée, mais j'aimais pas ça quand on persécutait du monde. J'étais toujours un peu justiciée, tu sais, un petit côté Amnesty International, un petit côté, là, touche pas à mon pote, tu sais. Je me tenais avec toutes les... Non, pas le pote qu'on fume. Remarque, je tentais du pot à cette époque-là aussi. Je chantais dans les bars. Hein. J'étais une chanteuse de cabaret. J'ai commencé à 11 ans ma carrière dans les bars de Montréal, les nuits folles de Montréal avec les effeuilleuses et tout. Des fois, c'était moi la maître de cérémonie. Puis je présentais Brenda! j'avais 13 ans, mais j'avais des effeuilleuses dans mes shows. J'avais des danseurs à claquettes. Et j'ai chanté dans tous les trous de Montréal. Qui n'existe plus aujourd'hui, dont la très réputée Porte Frontenac, Mondou, les batailles de bouteilles de bière qui revolaient. Tu sais, dans ce temps-là, c'était pas tellement la bière qui se vendait de même, hein? C'était pas la bière pression, c'était les grosses molles. Tu pouvais commander une petite molle ou une grosse molle. Il y avait des grosses bouteilles, puis quand il y avait des batailles, ça revolait, ça. Tu te cachais en dessous de la table. Moi, j'ai vécu ça, là. C'était les belles années de Montréal. Et il n'y a pas grand... Le Jean-Loup, le Caprice, le Canesta, le El Chico. C'est tous des bars qui n'existent plus. L'Hôtel Moderne, c'est des places là, que vous n'avez peut-être pas connues et que j'ai fréquentées en l'âge de 11 et 15 ans parce que ça a été ma carrière dans les bars, parce que mes voisins m'ont entendu chanter parce que le mur n'était pas épais, parce qu'on était pauvres, on était sur le bien-être social et on louait des taudis. Puis quand je prenais mon bain, je faisais des shows dans mon bain, puis tous les voisins l'entendaient. Puis ils sont venus voir ma mère parce qu'ils savaient qu'on crevait de faim, parce qu'ils m'avaient vu aller quêter un os au coin de la rue chez M. Distolo. J'allais quêter des os pour mon chien régulièrement, sauf que j'avais pas de chien, on faisait de la soupe avec ça, parce qu'on était très pauvres. Ça existe des pauvres au Canada. Et donc, ils ont dit à Jeannette, ma mère, écoute, ta petite a du talent, elle pourrait chanter dans les bars, puis ça te donnerait un beau 2$. Puis 2$ dans ce temps-là, ça valait quelque chose. Alors, j'ai commencé à chanter dans un bar-salon. Et puis après ça, ça a dégringolé. J'avais 3 shows le samedi. Je chantais toute la fin de semaine. Jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche, je faisais des shows. À 5$ du show, bien, ça rentrait du cash. Puis là, ma mère, elle pouvait augmenter sa consommation de bière et me battre un peu plus. Alors, c'était une enfance remarquable. J'avais bien hâte de partir de chez nous. Et dans ce contexte-là, j'étais venue à être athée, à ne pas croire en rien. Après avoir lu Karl Marx, ça m'avait pas mal convaincue que la religion était l'opium du peuple. Là, moi, j'ai lu ça, j'avais 15 ans, le Das Kapital de Marx. Hein, c'était dans mon copious spare time, je faisais des lectures et j'écoutais des BD, je lisais des BD et je lisais aussi des trucs sérieux. Et j'étais donc convaincue que que Dieu n'existait pas, mais quelqu'un à mon école, un ancien pusher avec des cheveux longs encore, qui avait Jésus, m'a parlé de Jésus. Puis, il a semé un doute dans mon esprit. Et ce soir-là, le 23 novembre, je reviens, je suis dans l'autobus, il est 3h30 ou 4h moins quart de l'après-midi au coin de Passé des Lormiers sur Beaubien. Et j'ai osé demander à Dieu, au Dieu du Créateur de l'univers, « T'existes-tu vraiment? Puis si t'existes, montre-moi-les tout de suite, parce que si tu le fais pas là, moi je ne peux jamais rien savoir de toi. C'est « one time offer only ». Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une réponse. Vraiment pas. Et vous devinez qu'il y en a eu une, mais la réponse que j'ai eue était extraordinaire. J'ai demandé à Dieu comme ça, j'ai dit, garde-moi, je m'en fous que tu t'appelles Bouddha, Allah, whatever. Moi, je veux juste savoir si tu es vraiment là. Puis j'étais une fille qui avait même fait de la sorcellerie, là, même si j'y croyais pas. Puis je me suis dit, si le diable se manifeste, ça va me prouver qu'il y a un Dieu. C'était pas fou, mon affaire. Dans ma tête, Dieu répondait pas, mais le diable, lui, était bien, bien, bien eager d'avoir des nouvelles âmes. Fait que tu t'allumais une chandelle, puis il était là. Mais le diable s'est pas manifesté plus qu'il faut non plus. Fait que je n'étais vraiment pas convaincue de l'existence de Dieu quand j'ai demandé ça. Je l'ai fait plus par dépit, par défi, parce que je voulais donner tort à la bande de hippies de Jésus à l'école, puis lui faire dire « J'ai prié, puis ça n'a pas marché, gna, gna, gna. » Mais... Torpinouche, ça a marché. Puis, je m'en attendais pas. Puis j'ai dit, bon, ben c'est toi, là, tu sais, le Jésus de Marc puis de Sarah, là, garde, montre-moi, fais quelque chose. Puis si tu montes, t'es là, là, je te donne ma vie tout de suite, là, je vais parler de toi à tout le monde. Je ne savais pas c'était quoi la prière de repentance ou avancer en avant. Je n'avais jamais mis les pieds dans l'église. Mais je dis, si tu existes vraiment, là, tu me le montres tout de suite, puis là, là, je vais être avec toi. Tu sais, je vais être avec toi, là, jusqu'à temps que je meure. Puis si t'es trop snob, me répondre, mais garde, je veux rien savoir de toi de toute façon. Fait que c'était pas la prière la plus... pour te mettre dans le mood, mettons. Puis, ce qui est arrivé, puis il y a un livre qui est écrit par qui s'appelle « A Variety of Religious Experiences », puis il en parle là-dedans des gens qui ont eu des expériences comme ça. Je pense que c'est un M. James qui écrit ça, je me rappelle plus. William James, je pense. Je regarde dans la section, dans la direction de M. Smith, parce que lui, il sait tout. Il travaille à direction chrétienne, il sait tout. Alors, j'ai demandé, il s'est passé quelque chose. Les jeunes, écoutez, là, c'est le temps, là. J'ai 15 ans, j'ai votre âge quasiment, là. On n'a pas toujours... Comme j'ai marqué dans mon Facebook cette semaine, les jeunes sont les vieux de demain. Yeah! Et voilà. Mais j'ai demandé... à Dieu s'il existait, puis yo, il a répondu. Il a répondu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à sentir comme quelque chose de bien lourd, puis de lourd et léger en même temps, quelque chose d'impalpable. Une genre de présence, une genre de puissance. Je savais pas comment ça s'appelait, j'avais jamais été église, j'avais pas toute la grammaire de l'église dans ce temps-là. OK? J'avais pas les mots pour l'expliquer, mais quelque chose assez fort que ça m'a fait peur. Mais pas à peu près, là, j'en chéquais. Là, j'ai descendu de l'autobus en courant parce que, tu sais, je savais plus quoi faire. Là. J'avais mon sac d'école, puis, tu sais, j'étais comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Pas un choc électrique, mais comme, genre, tu sais, une patente, quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était une rencontre du troisième type, tu sais. Il se passait de quoi, là? Une autre dimension. Puis, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré comme, je te dirais, un max de 15 secondes qui est arrivé, 10 secondes, peut-être une. J'étais plus dans l'espace-temps. J'étais plus à Montréal. Là, ça va sonner vraiment flyé, mais n'oubliez pas, on est dans les années 70. C'est le temps des hippies et des flower power. Peace, love. Wouhou! C'est le temps où on avait la vraiment bonne musique, là. c'est le temps... Parce que c'était le fun à être jeune. C'était le fun parce que, bon, premièrement, il y avait moins de pollution, il y avait moins de baby boomers, puis le sida, le mot n'avait même pas été encore inventé, puis les ours polaires, on ne savait pas qu'ils étaient en voie de disparition, puis le pôle, l'Arctique, puis en tout cas les icebergs n'étaient pas en train de fondre, puis on avait de la morue dans ce temps-là, en plein... Tu sais, c'était le fun d'être jeune dans ce temps-là parce que tout était permis. On avait tous les espoirs. Puis on marchait nu-pieds dans la rue. C'était cool, ça, marcher nu-pieds l'été, autant que possible. Marcher nu-pieds dans la rue, c'était cool. Puis on portait pas de soutien-gorge, les filles. Puis on avait les cheveux longs. On portait des jeans, ben oui, puis des grosses patentes karaté, puis des chemises de lumberjack karaté, puis ben des beads, puis... du patchouli. C'était le fun! Les années 70, c'était cool! Puis on était super zen, puis méditation transcendantale, puis les Beatles. Oh, écoute, là! C'était le fun! Fait que dans ce contexte-là, flyé de l'époque, quand je vais vous dire ce qui m'est arrivé, vous allez dire, oui, c'était vraiment une conversion hippie. Parce que quand j'ai descendu l'autobus, les quelques secondes que ça a duré, je suis arrivée sur le trottoir. Puis là, j'étais plus dans l'espace-temps. C'est comme si c'était passé... ça a duré peut-être une seconde, une fraction de seconde, un millième de seconde, je ne sais plus. Mais pendant ce petite seconde-là, là, c'est comme si... wow, comment je vais vous expliquer ça? J'ai tout vu l'univers. C'est comme si on avait ouvert ma conscience à tout l'univers. J'ai tout vu l'univers, tout. les galaxies, les planètes, là, là. C'est comme le Big Bang là, qui monte à la TV. Là. J'ai tout vu ça. J'ai tout vu l'univers. Puis j'ai tout vu, là, ça a fait comme un zoom, puis un zoom in, zoom out. Puis ça, on n'avait même pas vu ça à TV encore, ces techniques-là. Là. Fait que c'était vraiment avant-garde, ma conversion. J'ai tout vu l'univers. Les planètes, les molécules, juste de la plus grosse planète à la plus petite molécule. J'ai vraiment pas de mots pour expliquer ça, parce que ça dépasse l'entendement, mais c'est vrai ce que je vous dis. J'invente pas ça, je suis pas folle, là. Regarde, je fonctionne, je travaille, là. Je suis une personne plus ou moins normale, OK? J'avais pas pris de drogue, rien, là. J'ai vu tout l'univers, jusqu'à la moindre petite atome. Puis j'ai vu tout l'ordre, que tout se tenait, comprends-tu? Puis que tout avait sa place, puis que tout fonctionnait ensemble, puis que tout spinait, puis que tout marchait. Tu sais? Puis là, en zoomant, là, en revenant sur la planète Terre, là, tu voyais, j'ai vu le ciel, les nuages, les arbres, les oiseaux, puis là, il y avait moi debout sur le trottoir. Puis la certitude que je faisais partie de l'univers, puis que j'avais ma place, je faisais partie de toutes les affaires qui spinaient, là, les atomes, puis tout avait été ordonné, tout avait été commandé, tout avait été placé d'une main de maître. Incluant moi. Puis, tu sais, même si j'étais tout petite, je me sentais vraiment humble devant cette grandeur-là du monde, là, tu sais, puis j'avais 15 ans, regarde, 15 ans, c'est pas le genre d'affatante qu'on pense. Puis j'étais une fille qui relevait d'un attentat de suicide quand même, là, je voulais pas vivre, moi. Je voulais plus vivre, à 15 ans, là, la vie, regarde, je voulais plus rien savoir de ça, je trouvais ça plate. Je trouvais que c'était une perte de temps. Puis là, le Dieu de l'univers, en tout cas le Créateur, je ne savais pas trop comment il s'appelait encore, là. Il avait entendu ma voix, puis il m'avait montré que, regarde, j'ai tout fait ça, puis toi aussi. Puis c'est ta place. Puis il y a une raison d'être, puis tout marche ensemble. Tout fonctionne. On ne tripait pas biologie autant qu'aujourd'hui, là, environnement, là. Mais il m'a montré, tout marche ensemble. Puis toi, tu as une destinée, tu as ta vie, puis oui, je suis là, puis j'en fais partie. Puis c'était tellement clair, là. C'est venu, autant que je ne croyais pas en Dieu, là, c'est devenu limpide comme du cristal, comprends-tu? C'était clair qu'il était là. C'était clair que le fait que j'étais là, c'était une autre preuve qu'il était là. Tu sais, c'était comme un va pas sans l'autre. Puis, à ce moment-là, là, quand je suis revenue, là, c'est comme si tout était noir et blanc, puis tout d'un coup, tu aurais mis un peu de couleur. Encore là, cette technique-là n'existait pas à TV encore. Hein. Tu sais, là, tu rajoutes de la couleur comme ils font à cette heure dans les films, là. Ben, je voyais progressivement la couleur. Puis là, j'ai commencé à voir les arbres, là, puis les, tout, c'était novembre, là, mais tu sais, c'est gris novembre, là, mais c'était tout plus vivant, plus vrai, plus des vraies couleurs. C'est comme la vision, la télévision HD versus un vieux modèle, là, tu sais. Tout était comme vibrant. Puis le son, hein, là, j'entendais vraiment les oiseaux chanter. C'est comme si on avait monté le volume. Me comprenez-vous? On a monté le volume, on a mis la couleur... Puis là, c'était comme j'étais arrivée dans la réalité. Puis comme, la réalité, c'est que Dieu est là, puis que toi es là, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis j'ai compris que la patente à Jésus, c'était vrai, puis le cœur me débattait, puis j'avais tellement hâte de retourner à l'école, c'était un vendredi, je ne me trompe pas, de retourner à l'école le lundi, puis de dire à ma gang de Jesus Freak que ouais, c'était vrai leur affaire. Là, je ne comprenais pas tout le reste qui venait avec, mais j'avais catché que Dieu existait. Puis c'est pour ça que j'ai écrit Petit Jésus de Plâtre, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, à 52 ans, toujours aussi flyée, toujours aussi en amour avec Jésus, puis toujours aussi en problème. J'aime pas la religion. Ça, je suis venue à Jésus parce que j'étais une rebelle. Puis ce qui m'a amenée à Jésus, c'était que justement, c'était pas une religion, son affaire. Puis aujourd'hui, parlez-moi pas de religion, je suis pas capable. M'a signé la pétition, là. Parce que je trouve ça aberrant là, qu'on veuille faire une motion comme ça. La religion, je ne suis pas capable. Je ne serai jamais capable. Tu sais, je vais toujours... Dieu, oui, la religion, non. Puis c'est dangereux parce que la religion, c'est tellement insidieux. C'est un système, hein? Ça t'embarque, tu t'en rends pas compte, puis tu deviens religieux sans faire exprès, tu deviens pharisien. Sans faire exprès, tout en faisant bien. Puis moi, je suis venue au Seigneur, j'étais comme une rebelle. Puis à 52 ans, je suis fière de dire que j'étais encore une rebelle. Yes! Woo! les rebelles, ils meurent jamais, hein? Rebels never die. Mais je vais rester rebelle jusqu'à quand que ça sera le temps de partir. Ça s'en vient de plus en plus vite. Mais on va changer de sujet. Moi, j'ai remarqué dans la Bible que les meilleures affaires qui se passent à Jérusalem, c'est en dehors des murs. Quand je vivais à Jérusalem, j'ai eu le privilège de vivre à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Je vivais dans le quartier juif. Puis des fois, à 2h le matin, je me levais, puis je prenais une marche, puis j'allais au mur d'élémentation, puis j'allais me recueillir là, puis toucher les pierres. J'aime vraiment, vraiment beaucoup Jérusalem. J'ai écrit plein de chansons sur Jérusalem. Puis là, j'allais toucher les pierres, puis je sentais la présence de Dieu. J'aimais vraiment ça. Puis dans la maison où j'habitais, dans le quartier juif, je vais monter sur le toit. J'allais des fois prier sur le toit, lire ma Bible sur le toit de la maison à Jérusalem. Ça aussi, c'est cool. J'écris pas mal de chansons sur le toit aussi. Puis des fois, j'allais manger sur le toit. J'étendais mon linge sur le toit aussi. J'ai vécu à Jérusalem comme une Israélienne. J'ai appris à parler hébreu. J'ai fait pas mal d'affaires dans ma vie. Mais mon spot favori à Jérusalem, c'est à l'extérieur de la porte de Jaffa. Sur la route de Jaffa, à l'extérieur, il y a comme un banc, là, c'est bâti, puis il y a un gros palmier. Puis j'ai regardé des photos récentes de Jérusalem, puis mon palmier, c'est mon palmier, comprenez-vous? Je l'ai adopté, mon palmier à Jérusalem. C'est mon spot, j'allais m'asseoir là, à l'ombre du palmier, puis je voulais jamais partir de là, tu sais. Puis c'est drôle, quand je vois la photo du palmier, je me dis, waouh, il est encore là, mon palmier m'attend. Faut que j'aille dire bonjour. Mais les meilleures affaires dans la Bible se passaient à l'extérieur des portes, à l'extérieur de la muraille. Quand Jésus se promenait à Jérusalem, il était où les mendiants? Il était dehors. Il était aux portes. Puis il disait, « Fils de ta fille, aie pitié de moi! » Puis Jésus les guérissait. C'était full cool. Puis en dedans des portes, c'était moins drôle. En dedans des portes, c'est la Via Dolorosa. En dedans de la muraille, c'est le roi, c'est le Sanhédrin. En dedans des portes, c'est les gens qui ont les moyens de vivre là. En dedans de la muraille, c'est l'institution religieuse, l'institution politique. Puis c'est là qu'on a fouetté Jésus, qu'on a fait son jugement. En dedans de la muraille de Jérusalem, c'est là qu'on l'a condamné à mort. En dehors des murailles de Jérusalem, c'est là qu'on a crié « Hosanna, Hosanna » une semaine avant. Les affaires, le fun, se passent en dehors de la muraille. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la muraille, c'est tous les exclus qui se tiennent là. Tous ceux qui ne sont pas assez purs ou bons ou religieux ou corrects pour vivre dans les palais royaux à l'intérieur de la muraille. Tous ceux qui ne sont pas du monde normal. Les lépreux, les filles aux vêtements multicolores et peinturés, les bombes, les estropiés sont toutes où? Dehors de la porte, en dehors de la muraille. En dedans de la muraille, c'est l'institution, le gouvernement, la religion, les riches, les nobles, la belle classe, le bon monde. Le monde respectable, ils sont en dedans. Le monde pas respectable, ils sont dehors. C'est le même à Jérusalem. Parce que quand on vit en dedans des murs de Jérusalem, le loyer est beaucoup plus cher. C'est encore de même aujourd'hui. Mais aux portes, c'est là que... Moi, là, j'ai le choix. J'aime mieux être dehors. J'aime mieux être à la porte avec les mendiants. C'est mon spot. Les meilleures affaires arrivent dehors. Puis je vais vous raconter une histoire ce matin qui vient de deux rois. C'est une vieille tradition d'être en dehors des portes. Une vieille tradition. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que je ne sais pas à quelle heure vous voulez aller manger, mais je ne vais pas vous faire manquer votre repas, mais je vais y aller rapidement. On est à Jérusalem. Bien avant Jésus. C'est dans 2 Rois 7, chapitre 3. Tournez pas, je vais vous raconter l'histoire, comme Franc Freluche, OK? Bon, ceux qui ne connaissent pas Fanfreluche ne savent pas en tout de quoi je parle. Fanfreluche va raconter une histoire à sa maman. Bon, c'est bon. OK. On est à Jérusalem et ça va mal à la shop. OK? Ça va super mal à la shop. Pourquoi? Parce qu'il y a un siège. Il y a des ennemis qui sont dehors, dans le camp, là, en dehors. La ville est entourée d'ennemis. Ça va mal. Puis c'est le siège pour faire tomber Jérusalem, pour que ça passe aux mains de l'ennemi. Jusqu'à là, OK, on voyait le topo. Ils n'ont plus rien à manger. Ça va mal quand tu n'as plus rien. Quand tu considères peut-être manger ton enfant, c'est parce que, disons qu'il n'y avait pas grand-chose qui restait chez Maxi. OK? Ils n'ont plus rien à manger. Ils meurent de faim. C'est grave. C'est grave. L'heure est grave. Ils vont mourir. C'est soit qu'ils vont se rendre à l'ennemi, se faire piller. De toute façon, l'ennemi va finir par briser le siège. Tu sais, quand ils n'auront plus les forces pour se battre, ils vont se rendre, ils vont se faire piller, ils vont se faire tuer. Tu sais, c'était de même, ça se faisait dans ce temps-là. Fait qu'ils sont dans leur muraille. Ils crevent de faim dans leur muraille. Ils se meurent dans leur muraille. Puis ils ne sortent pas de leur muraille, ils checkent de la muraille. Qu'est-ce qui fait l'ennemi? Puis ils disent, oh, ils sont encore là. On fait quoi? Puis ils restent en dedans. Puis ils disent, bon, on ne peut pas sortir. Hein? On ne peut pas sortir dans le camp. On ne peut pas. L'ennemi est là, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rien faire. On est poignés, on est faits. Ils sont enfermés entre leurs murs, entre leurs quatre murs, c'est le cas de le dire. Ils ont des belles murailles, des belles maisons, ils ont tout ce qu'il faut. Sauf l'essentiel, ils n'ont rien à manger. Crève de faim. Et là, mes quatre héros, mes super-héros, je les aime tellement! Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre que quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Imagine les quatre lépreux, toi. Imagine les quatre lépreux. Imagine les quatre gars qui ont le sida. Hein? Imagine mes quatre travestis. Ils sont dehors de la porte. On ne les laisse pas rentrer, c'est pas du monde comme nous autres. Eux autres, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre, là. On les a déjà fait comprendre qu'ils n'étaient pas welcome. T'sais, on les tolère à la porte, là, mais rentre pas en dedans, s'il te plaît. Pour que tu rentres en dedans, il faut que tu sois comme nous. Fait qu'on reste wow. Fait que mes quatre lépreux sont dehors de la porte. Puis ils disent, bien là, on va mourir de toute façon. Si on reste assis ici pour faire rien, on va mourir. C'est sûr. Fait que tu dis, regarde, on est quasiment mieux d'aller dans le camp de l'ennemi. Puis au pire aller, ils vont nous tuer, fait que ça va abréger nos souffrances. Ou au pire aller, ils vont nous donner quoi manger. On peut-tu perdre plus? On peut-tu descendre plus bas qu'on est là? Non. Alors moi, j'aime mes quatre lépreux, ils n'ont rien à perdre. Mais ils ont du guts. Ils ont le guts que le monde n'a pas en menant des murailles. Eux autres, ils ont tout vu. Hein? Ils sont dehors déjà. Ils n'ont pas de standing. Ils n'ont pas de belle bâtisse. Ils n'ont rien. Personne veut d'eux autres. Des lépreux, là, il n'y a pas grand monde qui les invite à manger le dimanche après-midi après l'église, là. Ben non. Ça ne tient pas avec ce monde-là. On pourrait attraper ce qu'ils ont. Ça fait que là, mes quatre lépreux, ils s'en vont dans le camp de l'ennemi. Puis, surprise, surprise! Il n'y a plus un chat dans le camp d'ennemi. Tout le monde a sacré le camp parce qu'ils ont entendu un bruit puis ils ont pogné peur. En tout cas, quelque chose est arrivé. Ils se sont enfuis puis ont tout laissé le stock là. Fait, t'imagines? Imaginez la scène hollywoodienne. Imaginez mes quatre lépreux avec leurs guenilles. Tu sais comment est-ce qu'ils sont toujours habillés, les lépreux, là? Il y a toujours des guenilles. Puis, tu sais, puis ils marchent de même. Puis là, ils arrivent dans la tente. Puis là, ils trouvent de la bouffe. Ils se mettent à une belle étoile. Regarde, j'ai trouvé une épée! Wow! Le party, tu sais. Ils ont tout laissé les bijoux, tout du vin. Wouhou! C'est écœurant, là. Ils ont frappé le gros lot, comprends-tu? Ils ont pogné le gros lot. L'ennemi n'est plus là. Mais tout le stock est là. Fait que là, ils sont les quatre à festoyer. Puis ils ont du fun, là. Ils essayent des costumes. Puis, à un moment donné, il y en a un qui dit, « Hey, on fait dur, hein? ont été ici à manger, ils sont tous en train de mourir dans les murs. On devrait peut-être leur dire. On devrait peut-être leur dire qu'il y a de la bouffe ici. Ouais, si on serait pas mal. Là. Il y en a même un qui dit, on risque d'attirer le jugement sur nous si on fait rien, tu sais, dans le fond. Puis ce que j'aime de mes quatre lépreux, c'est même s'ils ont été jetés dehors, même s'ils ont été maltraités par ceux de l'intérieur, même s'ils ont été rejetés, regardés d'un regard méprisant et condescendant, même s'ils ne font pas partie de la gang, même s'ils sont en dehors de l'Église, je veux dire de Jérusalem, c'est eux autres qui ont vu en premier où ce qu'il y avait la stache de nourriture. J'ai dit... C'est la première fois que j'ai vu cette technique-là, mais c'est bon, c'est bon. Je vais m'en rappeler. Alors, le père donne la montre à l'enfant et dit, lance ça à madame, elle parle trop longtemps. Ou, c'est une offrande. Alors, ça dépasse. Si j'étais américaine, je dirais, thank you, brother, for your faith. on ne prendra pas de deuxième offrande. Vous n'avez même pas pris de première offrande. Ah, oh, c'est la petite boîte qui est là. Indian giver. Bon, alors, j'étais rendue avant d'avoir été brusquement interrompue. Ah oui, ils ont des remords. Ils pensent aux autres. Eux autres qui ont été rejetés, ils ont quand même du cœur. Puis ils disent, on va aller leur dire. Là, les quatre lépreux reviennent à la muraille, ils sont tous contents, ils ont des bonnes nouvelles. Ils ont vraiment des bonnes nouvelles, eux autres. Parce que souvent, le mot « bonne nouvelle », là, quand tu entends ça, c'est pas si bonne nouvelle que ça. Moi, je dirais, j'ai une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle pour toi et plus. Mais juste bonne nouvelle, je trouve que des fois, c'est la fausse représentation. Tu sais, ça ne sait pas peut-être comment on présente la chose. Et les autres, il y avait une bonne nouvelle. Fait qu'ils arrivent puis ils disent, « Hey! » L'ennemi est parti. Il y a de la bouffe. Venez-vous-en, gang. Un snack. Mais là, ce monde-là, en dedans de leur muraille, on ne lui dit pas ça. C'est des gens prudents. Il faut leur donner ça. Ils sont prudents. Ils ne croient pas le premier lépreux venu. Non. Tu penses-tu que le monde meurt de faim? Tu penses-tu qu'ils sont sortis tout de suite aller chercher la nourriture? Non. Ils ont eu une réunion, ils ont eu un comité, ils ont eu une enquête. On dit, c'est peut-être les Syriens, c'est peut-être des ennemis. Tu sais, peut-être qu'ils sont là, puis qu'ils nous attendent, ils attendent qu'on sorte pour nous attaquer. C'est peut-être une ruse. Peut-être que les lépreux, c'est du monde qu'on n'a jamais vraiment aimé. Peut-être qu'ils veulent se revenger, puis qu'ils ont été achetés par les Syriens pour venir nous faire un guet-apens. La méfiance, hein, c'est bon, cela. C'est fort, la méfiance. Et ça caractérise bien les gens à l'intérieur des murs, la méfiance. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils œuvrent comme un pont-levis où ils ferment les portes. Puis quand ils ne veulent pas quelqu'un, ils mettent dehors de la porte. Moi, j'ai un couple d'amis que je connais. Sa mère, elle vient de mourir du cancer. Elle va dans une petite église. Puis sa mère, qui était un pilier de cette église-là, elle vient de mourir du cancer. C'est grave. Puis cette église-là, dans un bel élan de solidarité, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a une chicane, ils l'ont mis dehors. Ils ont mis la femme, la petite fille qui pleure, là. Okay. Ça fait 2 semaines, sa mère est morte. Elle souffrait pas assez, il fallait la mettre dehors en plus. Parce qu'il y a eu comme un différent. Une incompréhension, un problème de communication. Fait que on peut mettre le monde dehors aisément, facilement. Et là, on les met dehors de la porte. Puis là, ce monde-là, une fois qu'ils sont sortis, on ne leur fait pas confiance. Même s'ils viennent nous dire avec la nouvelle qu'ils vont nous sauver, même s'ils vont nous apporter du sang neuf, même s'ils ont tout ce qu'il faut, même si eux autres sont connectés avec ce qui se passe en dehors plus que ceux qui sont en dedans, on ne les écoute pas. Là, eux autres, bon, ils ont envoyé des éclaireurs, on va leur donner ça, là. Ils ont envoyé des éclaireurs, puis une fois qu'ils ont été checkés bien comme il faut, là, ils ont dit, « OK, let's go, il y a de la bouffe! » Et là, le monde se sont tellement précipités, parce qu'il n'avait quasiment pas faim, qu'en sortant, en ouvrant la porte, ils ont tué quelqu'un qui était derrière la porte. Pareil comme dans un Bugs Bunny, là, tu sais. Il y avait un gars, là, un gardien, il était derrière la porte, puis là, Schlang, la porte a ouvert, puis il fouetté bien raide, il est mort. Il y avait un prophète qui avait dit, tu verras le salut, mais tu n'en mangeras pas. La veille. Puis il avait ri, tu sais. Fait que c'est comme une prophétie qui s'est accomplie, mais, tu sais, juste pour dire à quel point les gens avaient besoin quand ils ont su où était la nourriture. Ils s'en foutaient de leur muraille, puis de leur belle maison, puis de... C'est par où que la sortie? Puis ils sont sortis, puis sont allés chercher ce qu'ils avaient besoin. Vous savez-vous de quoi je parle vraiment ce matin? C'est peut-être pas vous autres. Mais ce que je constate après 37 ans de vie chrétienne, c'est que les murailles, ça existe. Puis il y a beaucoup de gens qui sont en dehors, en dedans de la muraille, puis ça existe. Très respectable. Ils ont tout ce qu'il faut. L'establishment. Et ce qu'ils disent, là, c'est la loi. Puis tu as ceux, comme moi, qui sont en dehors de la muraille. Puis ça fait du bien de sortir et d'aller voir ce qui se passe. Puis même d'aller checker c'est quoi qu'il y a dans le camp ennemi. L'ennemi, des fois, là, ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose de bon à nous donner? Tu sais, comme cet ennemi-là, là, il a laissé de la bouffe puis plein d'affaires. Ils ont sorti, ils ont pillé le camp, il y avait tout ce qu'il fallait. Fait que des fois, sortir en dehors de la muraille, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'aller s'aventurer et d'aller prudemment. Qu'est-ce que t'as? Ça prend des lépreux qui n'ont rien à perdre, qui n'ont plus peur de rien. Ils ont du courage. Ils n'avaient plus peur de rien. Ils n'avaient plus peur de mourir, eux autres. Ils n'avaient plus peur de ce qu'on pouvait leur faire. On ne pouvait plus rien leur enlever, leur réputation, tout. T'as plus, quand tu es lépreux, tu n'as plus gardé ton standing. Fait que, dans le corps de Christ, maintenant, il y a un phénomène qui s'opère, c'est qu'on a ceux qui sont dans la muraille puis ceux qui sont dehors de la muraille de plus en plus. Il y a des gens qui quittent puis qui restent dehors de la muraille. Ça, c'est des gens qui, tu parles, disent, tu vas-tu à l'église? Non, je ne vais plus bien à l'église. Ils ont été blessés, ils ont été brûlés, ils ont été rejetés, whatever. Ils se sont fait dire de s'en aller. Puis ces gens-là, c'est drôle, les gens qui se font jeter dehors d'une église, en général, ils n'ont pas pressé de retourner à l'église. Ils ont comme trouvé ça dur. Puis, ces grands blessés-là, c'est mes lépreux, que je, ça serait le fun qu'on les aime. Puis, moi, j'ai été lépreuse pendant une couple d'années parce que j'étais pasteur et j'ai été divorcée. Ça fait une grosse lèpre, ça. Grosse lèpre. Puis, je me sentais lépreuse. On n'avait pas besoin de me le dire, hein, je le sentais. Tu sais, les lépreux, il fallait lui mettre une cloche après eux autres, là. On fait ça au monde, hein? On met une cloche. Parle pas à elle, il a tombé. On lui met une cloche pour qu'il avertisse quand il arrive. Le lépreux, on met une cloche. Parce que comme ça, quand il arrivait, tout le monde pouvait se pousser. Oh, on a des gens qui ont des cloches dans l'église, moi, tu sais. Puis quand il arrive, tout le monde se pousse. Puis moi, j'allais eu ma cloche. Puis j'ai trouvé ça dur. Puis c'est drôle, je voulais plus aller à l'église dans ce temps-là. J'étais comme, ça me tentait pas tellement. Puis ça me tentait pas non plus d'aller dans la présence de Dieu. J'étais fru. J'en voulais à Dieu. Donc, comment ça, Seigneur? Comment ça, tu permets que je me fasse traiter de même? J'ai pas encore assez donné? On a tout oublié, toutes les bonnes affaires, parce que là, j'ai Alep, là. Puis, la meilleure chose qui m'est arrivée, je pouvais pas être dans la présence de Dieu, ça a été de rencontrer quelqu'un qui m'aimait, qui était dans la présence de Dieu. Je dis souvent aux gens, quand quelqu'un souffre trop et qui n'est plus capable de se tenir debout dans la présence de Dieu, la prochaine chose qui peut y arriver, qui est bon, c'est qu'il peut se tenir dans la présence de quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Puis toi, tu peux être cette personne-là. Puis moi, je vous dirais, puisque mon message pour l'Église, pas juste la vôtre, j'imagine que la vôtre, vous êtes sur la rue Ontario, vous êtes bien placé, mais je dirais, il serait donc le temps d'ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Il serait donc le temps de sortir en dehors des portes puis d'aller voir ce qui se passe. Il serait donc le temps de faire ce que Jésus a fait avec les lépreux, puis les voleurs, puis les prostituées, puis les publicains, puis il serait temps d'aller voir ce monde-là, puis lui dire, viens manger avec moi. Parce que Jésus l'a fait, il dit, aujourd'hui, je mange dans ta maison. Il s'est invité à souper chez le monde. Wouhou! C'est pas parce qu'il avait pas les moyens de se payer une épicerie, là. Parce qu'il pouvait multiplier la bouffe, on s'entend qu'il était capable de monter un snack, ça prenait pas de temps. Mais, il s'invitait chez des gens de mauvaise réputation. Jésus, je m'en viens manger chez vous. C'est un rabbin reconnu. Il n'attendait pas là, que le monde vienne à l'église pour les inviter chez eux. Non, il allait chez eux. Il s'invitait. Puis quand il rencontrait, s'il voyait quelqu'un qui était aveugle ou mendiant, il guérissait, il faisait de quoi pour l'aider? Nous autres, on ne peut pas nécessairement guérir tous les aveugles qu'on rencontre, mais on peut les aider, qu'ils soient physiques ou spirituels. Jésus faisait de quoi pour l'aider? Il ne passait pas à côté, puis il n'y aurait pas quelqu'un qui criait « Aie pitié de moi! » Moi, je vous le dis, puis je l'ai dit souvent, si Jésus venait à Montréal aujourd'hui, on le crucifierait. Puis c'est une des raisons, c'est sûr que Christ qui vient pour nous, on dit souvent c'est son Père qui l'a tué. Non, c'est nous autres. Jésus savait le prix avant de venir nous voir, il savait que de venir ici, ça, il mourrait parce qu'on a le don de tuer les bonnes personnes. Mais Jésus, les premiers à le tuer, ça serait nous, les gens religieux. Puis particulièrement, je te dirais, les fondamentalistes. Il y aurait bien de la misère avec Jésus. J'ai dit ça, je vais vous scandaliser. J'ai travaillé pendant quelques années au Rock, dans le village. Puis je me suis dit, mon Dieu, si Jésus venait à Montréal, il se tiendrait ici. Puis j'allais prier le midi dans le parc où les gens qui sont morts du sida, puis je disais, il en guérirait 10, puis il y en a un qui reviendrait puis dirait merci. Puis il serait chum avec Mado Lamotte. Puis Mado Lamotte pleurait peut-être à ses pieds, puis il laverait les pieds avec sa perruque, tu sais. Je dis sans rien, mais c'est trop vrai. C'est ça. Moi, je comprends pas qu'on dit qu'on est une église puis qu'on exclut du monde. J'étais à Barcelone, il y a 2 ans. Non, l'année passée, j'étais à Barcelone, j'allais à un service, puis là, une petite église bien, bien traditionnelle, je vais finir avec ça. Puis, c'est une église pépère, là. Tu sais, là, la musique était pépère. Tout le monde était. Tout le monde avait les cheveux blancs, sauf moi. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Puis, le gars, le vieux pasteur est allé en avant parler. Puis, il a prêché un des sermons qui m'a le plus ému de ma vie. Avec pas de flafla, pas de hype. Il a dit, nous autres, les chrétiens, protestants, évangéliques d'Espagne, on a souffert pendant des siècles de l'intransigeance de l'Église dominante. Puis, tu sais, en Espagne, ils ont eu les inquisitions et tout, là. C'était pas reposant, là. On s'entend? Que quand t'es pas de la... Puis il a été poli, il a dit, quand on n'est pas des siècles de persécution, parce qu'on n'était pas de l'Église dominante. Il n'a pas nommé l'Église, il a dit dominante. J'ai trouvé ça belle touch. On a souffert l'intransigeance, on a été pourchassé, on a dû se cacher, on a été souterrain. Nous autres, qu'on a vécu ça, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on montre la même intransigeance envers les filles-mères qui veulent rentrer chez nous, les immigrants illégaux qui veulent rentrer chez nous, puis les couples homosexuels qui veulent rentrer chez nous? Comment ça se fait qu'on montre la même intransigeance? Comment ça se fait qu'on n'a pas appris à aimer et à accueillir comme Christ nous a aimés et nous a accueillis? Il m'a fait capoter. Je m'attendais. Tu sais, tu ne t'attends pas à ça dans un milieu très hyper traditionnel. Puis là, il a dit, il faut que ça change. Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu nous a demandé de juste semer? Puis c'est lui qui fait croître. Puis on n'est pas la police de la semence. On n'est pas la police de dire, non, ça ne pousse pas correct, là. On peut-tu juste laisser Dieu faire sa job, puis nous autres accueillir, puis aimer, puis marcher dans l'amour? Moi, je vous invite ce matin à être des rebelles pour Jésus. Je vous invite à sortir des murailles. Je vous invite à casser votre religion comme un petit Jésus de plâtre. Casser vos idoles. Puis je vous invite, vous êtes déjà très accueillants. Je vous remercie de l'accueil, mais je vous invite à aller un pas plus loin dans votre accueil. Je rêve du jour, moi, où je vais voir Mado Lamotte d'une réunion. Je me sers de Mado, pas juste parce que je l'aime beaucoup, là, mais parce que c'est comme rendu... C'est comme dans nos milieux, on est tellement intolérants que ce serait comme dire Barabbas dans Passion dans le temps de Jésus. Puis ça me frustre. On devrait pas... Il devrait pas avoir une personne sur la planète qu'on peut dire « Ça, c'est le pire du pire. » Ça n'existe pas. On est tous les pires des pires. Il n'y a pas de différence. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni même sexe. On est tous un. Aux yeux de Dieu, on est tous pareils. On est tous ses enfants. Ça fait 37 ans que je suis chrétienne. Oui, je suis une chrétienne évangélique. Oui, ma théologie n'est pas pire. Oui, j'ai fait le collège biblique. Oui, j'ai été pasteur. Oui, j'ai prêché l'erreur des fois. Puis n'importe qui vous prêche la haine de l'autre, je m'en fous quelle phobie que c'est, là. Il n'y a pas de place pour ça dans l'Église. Puis j'ai longtemps parlé comment est-ce qu'il fallait prier pour nos frères juifs puis lutter contre le racisme. Puis j'ai été longtemps la seule chrétienne évangélique ministre à oser affirmer publiquement que j'étais féministe parce que je crois à la justice sociale, parce que je suis contre l'excision puis je suis contre la sexualisation des petites filles. Tu sais, le féminisme, c'est ça aussi. Puis je suis contre la traite des, tu sais, les cartels. Puis, tu comprends? Puis là, aujourd'hui, je vous dis, on ne peut pas prêcher la haine au nom de Christ. Que ce soit l'islamophobie, n'importe quelle phobie, on ne peut pas prêcher la haine au nom de Christ. C'est le message qu'il va faire que je vais rester longtemps dehors de la muraille, peut-être. Puis c'est correct, parce que si jamais on manque de bouffe, je sais où je vais pouvoir aller. Puis l'Église, présentement, elle s'est tellement bien enfermée qu'elle est en train de mourir de faim. Mourir de faim. Prête à manger ses propres enfants. Puis ça, là, je ne suis plus capable de voir ça. Je vous laisse avec ça.